Chapitre 3e. Une véritable tristesse avait empoisonné le départ, après cette souriante matinée, et des larmes furtives s'étaient mêlées aux adieux le long des barques, où les hommes allaient grimper pour aller à la conquête du pain quotidien que demande chaque jour à Dieu le pater des pêcheurs. La prédiction de Matthias avait troublé les plus courageux. Ils connaissaient si bien l'océan et ses trahisons, le vieux pilote, mais tous avaient de solides bateaux et bien en état de résister à un coup de mer. Et puis, ils n'iraient pas au large, et se contenteraient de pêcher en vue de la côte, prêts à un prompt retour si le flot et le vent devenaient trop méchants. Seul Loïc courait un danger réel sur son embarcation, à demi désemparée par le temps. « Prends mon meilleur bateau, petit !» lui avait dit Matthias avec une rude tendresse dans l'accent. Mais pour la première fois, le gars avait remarqué les assiduités de Matthias auprès de Jeanne et de quels yeux il la couvait. Il répondit donc d'une voix sèche « Merci, je n'en ai pas besoin. » Et sous un dernier regard d'angoisse de la bien-aimée, il avait sauté sur les planches mal jointes d'où l'eau avait giclé, jaillissant par les fentes et accrochant déjà des perles aux filets jetés à l'avant et sur lesquels se penchait la voile grise aux longues déchirures noires. Le vent, qui s'était décidément levé, coucha dans le même sens toutes les embarcations qui se relevèrent du même coup, ployées en sens contraire par un terrible caprice de ce souffle despotique. On fit les fermes, et les voiles disparurent bientôt, une à une, dans les vapeurs violacées de l'horizon, ne semblant plus que les ailes fuyantes de mouettes effarouchées. Matthias et Mathurine étaient rentrés dans la maison de celle-ci qui avait décidé, à grand-peine, le pilote à venir prendre chez elle un dernier pichet de cidre. Car elle ne savait vraiment quelle câlinerie inventer pour se faire bien venir du seul neveu qu'elle ambitionna dans ce pays si lointain des rives du Pactole. Le moment lui avait d'ailleurs semblé excellent pour lancer ce qu'on appelle un ballon d'essai. Le vieux matelot venait de renoncer à la mer. C'était le vrai instant pour prendre femme. Jeanne était la plus jolie fille de Piloël. Matthias en était le plus riche pêcheur. Ces deux aristocraties étaient faites l'une pour l'autre. C'était évidemment le parti qui convenait à tous deux. La commère se mit donc en frais de diplomatie et commença le siège par une énumération significative des vertus de sa nièce. Elle augura bien de l'enthousiasme avec lequel Matthias déclara qu'elle demeurait encore au-dessous de la vérité. Jeanne, pendant cet entretien, où il était fort question d'elle, était demeurée sur la plage, fouillant d'un regard inquiet et humide l'horizon de plus en plus sombre et dont le rideau d'ombre avait fini par envahir presque la totalité du ciel. Un éclair la déchira tout à coup, au lointain comme un coup de faux, rasant la surface d'un vert sombre de la mer. Un grondement insensible l'avait suivi à long intervalle, l'orage était encore loin. Mais elle en sentait déjà les ébranlements et la colère dans son cœur. Le jour était devenu très bas, de larges gouttes d'eau rayaient l'espace et tombaient lourdement sur le sable qu'elle teignait de gris. Un nouveau zigzag de feu passa dans l'air, qui se doubla dans l'eau profonde et la voix de la foudre le suivit immédiatement, comme se hâtant vers cette porte de l'enfer subitement ouverte dans le ciel. Jeanne poussa un cri d'angoisse. « Il faudra peut-être aller voir, » fit Matthias à Mathurine, en vidant un dernier verre de cidre à la santé de Jeanne. « Bon, restez donc, » lui fit Dame Mathurine en le retenant. Comme une envolée de pigeons voyageurs regagnant le pigeonnier, pressées l'une contre l'autre, blanches et grandissant rapidement, les voiles des pêcheurs apparurent au fond, toutes couchées sur l'eau, fuyant sous la tempête. Bientôt les barques demeurèrent distinctes. Un troisième coup de tonnerre avait amené toutes les femmes et tous les enfants affolés sur le rivage, anxieux et perçant des yeux cette étendue redoutable. Matthias, malgré Mathurine, était accouru aussi, et une singulière anxiété était sur son rude visage. Ceux-ci, puis ceux-là, poussaient des cris de soulagement et de joie en reconnaissant les leurs. Le vent vint en aide au courage des matelots. Un souffle puissant jeta toute cette flottille en péril sur la plage. Ce furent des baisers, des étreintes, des sanglots de joie. Un choc d'amis éperdus se retrouvant et se fondant. Une voile seule était en arrière. Un lambeau de voile sur un radeau, toutes les bordures de la barque ayant été brisées, et un homme se débattant contre cette toile qui le souffletait, contre les éclats de bois qui lui menaçaient la tête, contre les assauts du flot submergeant cette épave. Jeanne avait reconnu Loïc, et toute pâle, les mains crispées, se sentait mourir. « Il est perdu !» fut le cri de tous. Un seul homme pourrait le sauver, s'écria un pêcheur. Mathias seul pourrait lutter contre une mer pareille, s'écria un autre. Mathias avait déjà jeté sa veste à terre. Il allait s'élancer dans sa propre barque. Malheureux, je vous le défends, hurla Mathurine en s'accrochant à la chemise du pilote. Mathias, Mathias, répétaient toutes les voix. Mathias jeta un regard sur Jeanne. Il est des heures solennelles, mystérieuses, où le regard ne sert plus de rien, où les âmes se comprennent dans le silence, où les cœurs s'ouvrent, muets, mais lisibles comme des livres grands ouverts. La jeune fille s'approcha du pilote et lui dit si bas que nul autre que lui ne l'entendit « Sauvez-le, et je suis votre femme. » Car ce regard, ce seul regard, dans un tel instant, lui avait révélé la passion du pilote. D'un robuste mouvement, Mathias envoya rouler la vieille Mathurine. Un morceau de toile déchirée demeura entre ses mains crispées. Un bond dans une barque encore toute gréée, un coup de gouvernail, un grand sillon d'écume derrière, sur la plage un cri d'angoisse et d'admiration. L'orage se déchaînait plus furieux toujours, les poitrines haletaient. La barque de Mathias avait atteint l'épave sous une grande furie d'écume qui couvrait par instants les deux embarcations. Deux hommes mêlés dans une même silhouette noire, se découpant sur ce fond d'un gris tumultueux. C'est Mathias qui tient Loïc évanoui. La double silhouette se penche, l'ombre d'un seul homme se relève. Mathias a couché celui qu'il vient de sauver dans son propre bateau, et maintenant à la côte. Un coup de gouvernail, un grand sillon d'écume derrière. Un instant encore et le sauveur dépose sur le sable violemment secoué Loïc, qui n'a pas repris ses sens. Une clameur, des hurrahs. La main calleuse de Mathias passant de lèvre en lèvre, son nom murmuré par toutes les bouches dans une bénédiction. Les femmes à genoux remercient aussi la Vierge. Jeanne est pâle, immobile, comme morte. Mathias élève vers elle un regard qui demande merci. Un sourire navré passe aux lèvres de la jeune fille et Mathurine, essoufflée, fait rire tout le monde en apportant un verre chaud de vin sucré que celui-ci, malgré les protestations de la dame, veut à toute force glisser entre les lèvres de Loïc, qui n'a pas encore ouvert les yeux.